c'est pas pire, hein? Je t'entends bien, ça, je t'entends super bien, man. Ouais, t'as un bon son. C'est super ton affaire. Ouais.